Paris, encore. Juin 1982. Au retour de Singapour, Faustine s'installe une dernière fois, croit-elle, dans la capitale. Cette fois, c'est chez son amie Mireille. Il y a plusieurs années, cette dernière a trouvé un petit studio à acheter en viager. La chance ou la malchance a voulu que sa propriétaire, petite chose de passé 80 ans, ait rejoint le Seigneur l'année suivante. Mireille, fraîchement larguée après 20 ans de vie commune, a immédiatement investi les lieux. Juste là, c'est un peu serré pour elles deux, mais nécessité fait loi. Faustine n'est pas du genre râleur, elle craint plutôt la solitude. Cette fois, elle a intérêt à s'accrocher. Il n'est pas question pour elle de quitter Paris sans le renouvellement de ses permis officiels, travail et séjour. Ce n'est pas parce qu'elle émigre quelques années aux USA qu'elle doit négliger ses acquis sur sol français. Cela conduirait à devoir tout recommencer de zéro un jour, à moins de retourner en Suisse. Et ça, jamais. Depuis l'avènement de François Mitterrand, on parle d'Europe, mais il est peu probable que la Suisse se départît de sa sacro-sainte neutralité un jour. Elle est bien trop utile au reste du monde. En attendant, l'amie Sylvie, la fidèle, l'indispensable responsable de l'agence Manpower de la rue Littré, lui trouve tous les postes d'intérim qu'elle veut. Le premier à la CNP, Caisse Nationale de Prévoyance. Rien de spécial à signaler, sinon qu'on s'y ennuie à mourir. Mais au moins, on peut fumer. Il y a des cendriers partout. Le second à l'ENSTA, École Nationale Supérieure des Techniques Appliquées. À longueur de journée, Faustine, coincée dans une sorte de placard à balai, y tape des thèses auxquelles elle ne comprend rien. Heureusement, malgré ses expériences informatiques aux USA, elle n'a pas encore perdu l'habitude de la machine à écrire électrique. Elle tape jusqu'à 80 pages en une seule journée. Son employeur la félicite et lui demande si elle ne veut pas revenir régulièrement au moment des remises de thèse. Parce qu'ils n'ont encore jamais eu personne qui tapait si vite en faisant si peu de fautes. Tu penses si la donzelle est ravie? Quel succès! Oui, mais non, pas question de se lier avec qui que ce soit. De toute façon, elle va bientôt se marier. Voilà qui met fin à toutes les tentatives de séduction. En plus, il y a une chose que Faustine refuse à tout prix, c'est la pointeuse. Cette machine de plus en plus incontournable qui flique le travailleur et contrôle ses entrées et sorties. Très peu pour elle. Il faut que ses employeurs comprennent qu'ils gagneront à lui laisser la bride sur le cou. Faustine arrive toujours en avance, repart toujours après l'heure, lorsqu'elle a terminé son ouvrage et qu'elle décide que le patron en a eu pour son argent. Juste ou pas juste, elle s'en fiche. Conséquence sans doute du fait qu'elle n'a pas été jusqu'au bout de ses études par correspondance et qu'elle ne saura jamais où elle se situe sur l'échelle des valeurs de sa profession. Parfois, ça lui fiche des complexes, même si tout le monde lui dit que ça n'a pas d'importance. Jusqu'à présent, elle a eu la chance de n'avoir pas eu à rendre de compte. Elle a beau jeu, puisqu'elle intervient presque toujours dans des situations de crise. Personne n'a le temps de penser aux libertés qu'elle s'octroie. Par chance, elle est toujours tombée chez des fumeurs qui ne pointent pas. Cela nous amène à fin juillet, car les Julie, fuyant la touffeur parisienne, l'un en tournée sur les plages avec son orchestre, l'autre dans leur résidence secondaire, désertent leur appartement de la rue de Longchamp, autorisant Faustine à y emménager à nouveau. Oh, joie ! Sitôt installée, et afin d'assurer ses arrières concernant ses papiers officiels, Faustine téléphone à Robert B., le célèbre avocat dans la famille duquel elle a travaillé pendant toute l'année 1979. Il est devenu entre-temps ministre de la Justice de François Mitterrand, puis garde des Sceaux. Elle n'a pas oublié qu'il lui a dit, quand elle a quitté la rue Guynemer, de ne pas hésiter à l'appeler en cas de besoin. Dont acte. Après avoir longuement ruminé son discours et bu un petit coup pour se donner du courage, Faustine appelle chez les B à la campagne un samedi après-midi. Elle espérait tomber sur la fille de la maison, Sarah, histoire de tâter le terrain. Mais c'est le ministre en personne qui répond. Il lui explique que sa fille est à cheval quelque part dans la nature. Toujours fine diplomate, Faustine fait mine de conclure, puis ajoute très vite. Au fait, puisque je vous tiens, est-ce que vous pourriez m'aider à accélérer le processus en ce qui concerne mes permis de travail et de séjour ? Gentiment, il lui transmet un numéro de téléphone à appeler de sa part. Lastine remercie chaleureusement et s'exécute lundi matin. À l'autre bout du fil, une voix, à peine aimable, répond qu'on fera le nécessaire. Mais le schmilblick n'avance pas pour autant, bien au contraire. On dirait que les dossiers sont passés sous la pile. Comme quoi le piston n'est pas toujours dynamique dans les coulisses du pouvoir. Quelques semaines plus tard, quand Faustine voudra se rappeler au bon souvenir de Maître B pour s'enquérir du suivi de son dossier, le numéro aura changé. Elle enrage. Quand on pense que sur la côte, il faut 3 ans pour obtenir une ligne, alors que chez ces gens-là, il suffit de quelques minutes. Fin juillet, l'intérimaire se voit assigner un job de réceptionniste chez Exxon S.A., dont la maison mère est située rue de Ponthieu. Le 8e arrondissement de Paris n'est pas trop loin pour Faustine, qui peut s'y rendre à pied depuis son terrier du 16e. Dès le premier jour, elle est chaleureusement accueillie par Françoise, la secrétaire en chef. Facile, il n'y en a pas d'autre. En voilà une qui ne fait pas de chichi. Travaillant exclusivement pour le grand patron, qu'il apprécie tant pour son efficacité que pour son franc-parler, elle partage néanmoins volontiers les moments de présence au standard téléphonique. Le seul inconvénient étant, à part quand tous les chefs sont absents, que les deux femmes ne peuvent pas sortir déjeuner ensemble. Elle décide donc de faire sandwich-salade commun dans la minuscule salle de repos. Les autres collègues, tous des hommes, sont bien sympathiques aussi. Entre deux coups de fil, Faustine s'occupe de leur courrier et des sempiternelles photocopies. Rapidement, ils prennent l'habitude de venir confier leurs petits soucis à l'intérimaire, oreille attentive s'il en est, serviable et presque toujours de bonne humeur. En lundi, tout le bureau est en effervescence. Une huile parachutée directement des USA a annoncé son arrivée. C'est vrai qu'ils sont bien mignons, ces petits Français, mais il faut les surveiller un peu quand même, doivent-ils se dire chaque fois qu'ils ont envie de se payer du bon temps à Paris aux frais de leur boîte. En clair, toute l'équipe est sur les dents, termine les dossiers promis depuis des lustres, rachète du scotch en litres, du coca en hectolitres, met en route la machine à glaçons et remplit le percolateur. Mardi matin, le responsable outre-Atlantique, tonitruant quinquagénaire, arrive à l'heure prévue. Entrevu de loin, il fait un peu plouc avec son chapeau de cow-boy, sa cravate en ficelle cirée et ses gros godillots vernis. Mais il a un beau sourire et la poignée de main optimiste. Dans un premier temps, Faustine se fait discrète, à demi cachée derrière son comptoir. Le grand directeur d'Exxon France embarque son homologue américain dans une visite guidée qui se terminera probablement par un apéro conséquent sur son territoire. Ben non, 15 minutes plus tard, revoilà les deux manières à la réception. Grand patron Frenchy présente alors Faustine, notre réceptionniste remplaçante, à grand patron Yankee qui tombe en arrêt subjugué. Coup de foudre! On se croirait dans le petit chaperon rouge de Tex Avery. Le Frenchy, sentant le malaise, s'esquive courageusement, laissant l'autre entamer sa danse de parade, toute plume dehors. Pauvre Faustine, terriblement gênée, qui n'ose pas rire et ne sait plus où se mettre. L'homme de l'Ouest poursuit l'emballage en règle. Il se réjouit, dit-il, de travailler avec elle et espère bien qu'elle lui fera visiter la capitale. Comme s'il n'était jamais venu. Et le cirque de recommencer chaque jour de la semaine. Faustine n'arrive même plus à partager quelques minutes avec sa collègue. Françoise, hélas, semble avoir d'autres préoccupations qu'elle garde pour elle. Voilà donc la réceptionniste entièrement à la merci du séducteur. Elle a beau dire et répéter qu'elle est fiancée, que son fiancé est vindicatif, le pétrolier lui rétorque avec une régularité de métronome qu'aussi certain que la lune et le soleil occupent le ciel, Faustine et lui sont destinés à partager quelque chose de plus fort. Qu'est du roquefort ? Pense la jeune femme. D'immuable, autant qu'éternel. Ah, que voilà un langage abscon. Mais que faire ? Mais que dire ? Comment réagir ? Faustine a le double désavantage d'être intérimaire et employée. Jamais encore elle n'a eu à subir ce genre de harcèlement de la part d'un employeur. Elle trouve cela assez marrant parfois, mais finit par se lasser à la longue. Les patrons français ne sont pas moins dangereux, mais ils sont plus discrets et ils comprennent plus vite. Un matin, Bill, ça ne s'invente pas, propose que Faustine l'accompagne à son hôtel à l'heure du déjeuner. Oh, en tout bien, tout honneur, il a réservé pour trois au restaurant et voudrait lui présenter sa femme. Ah ben voilà autre chose, pense la brunette. Comment va-t-il me l'amener, celle-là ? Pourquoi pas, après tout, se dit-elle, autant m'en faire une alliée, elle me protégera. Ainsi donc marche-t-il côte à côte jusqu'au Lancaster, rue de Berry, tout au bout de la rue de Ponthieu. C'est un petit bijou d'hôtel encastré entre deux immeubles classiques. Faustine comprend pourquoi il attire les anglo-saxons. Tenture rayée bleue, jardin intérieur, carte en anglais qu'elle a largement le temps d'inspecter pendant que monsieur va chercher sa femme et revient sans. « Elle n'a pas faim, » dit-il sobrement, de l'air de celui qui vient de se faire engueuler. « Vous avez choisi ?» Faustine opte pour une escalope à la crème avec son petit gratin et ses légumes au beurre. Bill préfère un poisson. La qualité des mets est extraordinaire. Jamais de sa vie la secrétaire n'a mangé de plat aussi succulent. On a beau dire, l'argent permet certains bonheurs inaccessibles à ceux qui en ont moins. Dommage que le repas soit quelque peu gâché par l'insistance de Billy à vouloir à tout prix lui faire partager ses élans amoureux. Faustine retire son pied, sa jambe, sa main. Elle finit par signer une paix relative en promettant de venir chercher Madame samedi après-midi. Elles iront magasiner rue de Passy. En fin d'après-midi, tous trois prendront l'apéro chez elles avant d'aller souper à la Truffière, rue Blainville. Un parcours complet. Elle explique qu'elle vivait dans cette rue autrefois et que le restaurant est fameux. Il leur plaira. L'Américain paye l'addition. On rentre au bureau. À peine sont-ils dans l'ascenseur que Bill quémande un baiser de remerciement pour le bon repas. Il n'y a pas de petit bénéfice. Et sans plus attendre, il se serre. Faustine serre les dents, ne laisse rien passer, s'essuie la bouche à l'arrivée. Elle ne fera pas de scandale aujourd'hui. Les enjeux pourraient être importants pour son patron français. Mais il ne perd rien pour attendre, le Yankee. Au boulot, la vie continue. Françoise trouve 5 minutes pour partager ses soucis. Elle a quitté son compagnon, un magnifique Camerounais beaucoup plus jeune qu'elle, hélas, totalement irresponsable. Elle a trouvé une autre nounou pour sa fille. Faustine a admiré la photo. La petite est vraiment craquante. Puis consoler son amie, toujours amoureuse, mais contente d'avoir enfin pris la décision qui s'imposait. Samedi arrive. Comme convenu, Faustine patiente dans le hall du Lancaster à 14h. Elle fait connaissance avec Madame Billy, qui se prénomme Charlotte, mais n'entend pas devenir familière. Comme beaucoup de gens fortunés, elle a ce petit quelque chose dans le regard, instaurant une immédiate distance entre la plèbe et son auguste personne. Les deux femmes se font transporter en taxi jusqu'au milieu de la rue de Passy, là où les boutiques sont les plus jolies. Tout l'après-midi, Faustine sert de dame de compagnie, de suivante, de femme de chambre, à cette Américaine entre deux âges. Ni jolie, ni sympathique, sans doute intéressante autrefois, vue de dot, comme dirait l'autre. La femme du chef se plaint amèrement, d'une voix suraiguë, du manque d'appétence des Français pour sa langue. Elle s'ennuie de son Texas natal, que seule une jalousie morbide lui a fait quitter. Faustine s'enquiquine tout autant. De leur côté, les vendeuses de chaussures ne se privent pas de faire des remarques désagréables à mi-voix. « Pourquoi ne vous faites-vous pas offrir une paire de ces sandalettes ? Elles vous iraient beaucoup mieux qu'à elles. » 2 heures plus tard, les deux femmes s'en retournent au Lancaster avec leurs emplettes. Celle-ci déposée, on reprend un taxi en direction de la rue de Longchamp. Faustine s'amuse à leur faire découvrir le magnifique appartement des Laclairières, sans mentionner tout de suite qu'elle n'est pas chez elle. Le mania du pétrole est estomaqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'une simple secrétaire loge dans un endroit si raffiné. Faustine, qui a vu les aventuriers de l'Arche perdue à sa sortie, la scène où Marion saoule ses ennemis, a prévu des munitions pour anesthésier le prédateur. Après la visite guidée, elle installe monsieur et madame sur le canapé. Elle leur sert un premier whisky, un second, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que Charlotte et Bill crient grâce et éprouvent le besoin de se reposer. Elle les installe alors dans une chambre, puis s'enferme à double tour dans l'autre pour une petite sieste. Après tout, il n'est que 17h, ça leur laisse une marge. Ils ne sont pas attendus à la Truffière avant 20h. Faustine avait vu juste. Malgré ses menaces voilées, Bill n'a pas tenté de la violer sous le nez de son épouse. Par contre, elle a sous-estimé sa propre capacité. Ou alors ils ont exagéré dans le film. Quoi qu'il en soit, elle a la tête qui tourne, ne se sent pas bien du tout, au point que les escargots de la Truffière la rendent malade. Ses amis, décidant d'interrompre le repas, la raccompagnent en taxi jusqu'en bas de l'immeuble. Faustine leur est reconnaissante de ne pas insister pour monter avec elle. Toute la semaine suivante, Bill tente assidûment d'obtenir satisfaction. Le soleil, la lune, les étoiles vouées à se rencontrer, etc. Toute la galaxie y passe. Nostradamus, le livre des divinations, la destinée universelle, que ne va-t-il pas inventer? Ils sont d'un ridicule, ces petits vieux libidineux. C'est pathétique. Et celui-là, quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. Bah si, justement. Heureusement que Françoise est attentive et traîne toujours à portée d'oreille. Mais que le temps s'étire. Pour finir, l'intérimaire en a tellement marre qu'elle décide de frapper un grand coup. Si ce n'est pas pour elle, ce sera pour les autres victimes de ce satyre, passé et à venir. Le jeudi soir, profitant d'une réunion prolongée des grands chefs de bureau, elle se rend à l'hôtel Locaster, se fait annoncer dans la suite de Madame Charlotte. La femme du mania trône sur son lit, déjà assise, donc. Pas plus mal, se dit Faustine, qui demande tout de go à l'intéressé, s'il est vrai, comme le prétend son mari, 4 fois par jour au moins, qu'elle est indifférente à ses frasques et qu'elle a sa permission officielle de sauter sur tout ce qui bouge. « Bien sûr que non, rétorque celle qui a failli être trompée une fois de plus, avant de se noyer dans une crise de larmes. » Craignant que ça dégénère en crise de nerfs, Faustine ouvre 2 mignonnettes de scotch prélevées dans le frigo, en impose une cul sec à la pauvre femme, boit la seconde, puis ronge son frein en écoutant patiemment la litanie des malheurs de la riche américaine. Elle a accompagné son époux en Europe parce qu'il s'était entiché à Dallas d'une gamine de 20 ans. 3 fois déjà, elle a menacé de divorcer. Chaque fois, il a réussi in extremis à l'en dissuader. Mais là, là, c'est trop. Oh non, supplie Faustine intérieurement. De fait, le lendemain au bureau, sitôt passé la porte, Bill plante ses yeux dans les siens. Il a le regard triste. Il murmure presque imperceptiblement. Pauvre vieille Charlotte, qu'est-ce que tu lui as fait? Vraiment, elle ne méritait pas cela. Faustine perçoit toute l'injustice de la situation. Comment? C'est elle qui devrait se sentir coupable alors que c'est lui qui a tout provoqué? Elle ne regrette pas son geste une seconde. Dos serré, sa colère monte. Qu'ils aillent au diable ces multimillionnaires arrogants qui s'arrogent un droit de cuissage systématique. Qu'ils se débrouillent donc entre eux avec les conséquences de leurs actes. Et si elle a vengé quelques victimes impuissantes au passage, eh bien, tant mieux. Le 9 août, après avoir entendu parler de la fusillade de la rue des Rosiers, le couple texan prend prétexte de l'insécurité permanente de la capitale pour repartir chez lui. Décidément, la France est loin d'être ce paradis de filles faciles et de sérénité qu'on leur avait vanté